l'horreur cessera-t-elle? Un accord de paix est à peine signé que les massacres recommencent. Je veux parler du Congo-Kinshasa, l'ex-Zaïre qu'on nomme aujourd'hui la République démocratique du Congo depuis la chute de Mobutu en 1997. Au début du mois d'avril dernier, par exemple, tous les belligérants, c'est-à-dire les représentants du pouvoir congolais, des diverses milices armées et des puissances de la région qui interviennent directement dans le pays, se retrouvent en Afrique du Sud pour conclure un accord qui pourrait enfin aboutir à la paix. Mais quelques heures plus tard, dans le nord-est du pays, c'est-à-dire dans une région contrôlée par l'Ouganda, des groupes armés de l'ethnie Landu attaquent des villages en masse. Il y aurait un millier de morts. L'armée ougandaise, qui a pourtant obtenu de demeurer au Congo pour y remplir une prétendue mission de pacification, n'est pas intervenue. Mais il est vrai que quelque temps plus tôt, elle avait soutenu les massacrés d'aujourd'hui contre les massacreurs d'hier. Quelques jours plus tôt, toujours dans cette même région, des soldats rebelles appartenant au MLC, le Mouvement de Libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, se sont livrés à des actes de cannibalisme sur des populations pygmées. Cela fait donc maintenant 7 ans que cet immense pays, grand comme l'Europe occidentale, est déchiré par une impitoyable guerre civile attisée par ses voisins qui veulent leur part des richesses du Congo. 7 ans de conflits qui ont ruiné un pays déjà mis à sac par la longue dictature du président Mobutu. 7 ans et 3 millions de victimes mortes au combat ou lors de massacres collectifs. Ou bien encore, tout simplement de faim et d'épuisement. Mais si les États de la région portent une lourde responsabilité dans ce désastre, ils ne sont pas les seuls. Les grandes puissances ne se sont jamais désintéressées du Congo. C'est la conviction de M. X. Le Congo-Kinshasa est trop riche, et c'est ce qui fait son malheur. Enfin, vous voulez dire potentiellement riche. Évidemment. Un pays tout entier se trouve dans un état de décrépitude difficilement imaginable. Mais la richesse dont vous parlez, ce sont ces ressources naturelles. Son sous-sol, d'abord. On trouve de tout au Congo. De l'or, des diamants, du cuivre, de l'uranium, du cobalt ou encore des métaux rares utilisés en électronique. Et toutes ces richesses minières ont été peu ou mal exploitées. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la forêt qui couvre une grande partie du pays. Et le fleuve Congo, dont la pente est exceptionnelle et qui, aménagé, pourrait fournir de l'électricité à une grande partie de l'Afrique centrale. Ouais, ça fait en effet beaucoup. Oui, ça attire pas mal de convoitises. Mmh. Ça n'est pas nouveau d'ailleurs. Nous en avons déjà parlé, il me semble, quand je vous ai raconté les premières années qui ont suivi l'indépendance. Oui, des années particulièrement agitées. Et meurtrières. Déjà au centre des guerres civiles, au début des années 60, il y a la question des ressources minières. Et c'est pourquoi la région la plus riche, le Katanga, essaiera de faire cette cession. Ouais, avec le soutien des grandes compagnies belges qui exploitaient ces richesses. Naturellement. Hein. C'est aussi pourquoi le premier ministre Patrice Lumumba sera assassiné parce qu'on le soupçonnait de trop pencher à gauche. Enfin, nous en avons déjà parlé de tout ça. Alors inutile d'y revenir. Et pourtant, en 1965, un homme s'impose. Mais c'est Mobutu. Oui, un colonel qui est un homme des Américains. Et un agent de la CIA, m'avez-vous dit. Exactement. Hein. Mobutu s'impose par la force et arrondit sa pelote. Sa fortune, vous voulez dire. Bien sûr. Et pendant son long règne, Mobutu ne fera jamais vraiment la différence entre sa bourse et les caisses de l'État. Conséquence, malgré sa richesse potentielle, comme vous le disiez tout à l'heure, et un calme tout relatif, le Congo-Kinshasa ne cesse de s'appauvrir. Et les Américains continuent quand même à le soutenir. Hein. Il y a les Belges, oui. Les Belges qui sont, il faut le rappeler, hein, les anciens colonisateurs. Le Congo a même été longtemps une propriété personnelle du roi des Belges. Ce soutien perdure au moins jusqu'à la fin de la guerre froide. Parce que dans cette Afrique balayée par de nombreux conflits, le Congo est un bastion occidental et peut même servir de plaque tournante pour intervenir dans des pays menacés par la subversion communiste. Il y a aussi une deuxième raison. Et c'est l'aspect financier. C'est-à-dire ? Le pays est si endetté qu'on ne peut pas le laisser tomber. Si les créanciers veulent récupérer leur argent, ils doivent au contraire lui prêter encore plus. Ouais, c'est-à-dire pour payer le service de la dette, au fond. Ouais, c'est un peu fou, non ? Et puis, on fait d'excellentes affaires au Congo, il ne faut pas l'oublier. Oui. Mais alors, si je vous ai bien compris, tout change avec l'effondrement de l'Empire soviétique. C'est ça. Il n'est plus utile, et puis il y a cet endettement faramineux. Ce sont les Belges les premiers qui jettent l'éponge, quitte à perdre beaucoup. Et bientôt, les Américains suivent et cessent d'aider Mobutu. Le prétexte, il faut toujours trouver un prétexte, c'est la nature du régime. La dictature, quoi. Et le non-respect des droits de l'homme. On aurait pu s'en apercevoir avant, non? Oui, là je suis d'accord avec vous. Mais la donne internationale a changé. Le résultat, c'est que malgré quelques timides tentatives de démocratisation, le Zaïre va s'enfoncer dans le chaos. Pour se sortir d'affaire, Mobutu ira même jusqu'à fabriquer de faux dollars. Ce qui n'a pas dû arranger ses relations avec Washington. En effet, oui, d'autant que ces généraux vont vendre des armes au Soudan. Un état voyou, comme on dit à la Maison Blanche. C'est-à-dire un pays qui soutient le terrorisme. Mobutu va aussi, et ce ne sera pas sans conséquence pour la suite, aviver les querelles ethniques. Pour faire oublier ses propres dérives? Naturellement. Et dans les chancelleries occidentales, on commence à se poser concrètement la question de sa succession. Enfin, quand je dis les chancelleries occidentales, je généralise un peu. Ah, pourquoi? Il y a des exceptions, hein? La France, oui. À Paris, on a vu sans déplaisir Belges et Américains lâcher Mobutu. Pourquoi? Pour essayer de les remplacer? Oui. Nos relations avec le Zaïre avaient toujours été délicates. Il y avait donc là une occasion à saisir et de réintégrer ce grand pays africain dans le monde francophone. Malgré la nature du régime. Eh oui, oui, c'est ça le réalisme politique. J'ajoute que si c'est le président Mitterrand qui a donné son accord au réchauffement de nos relations avec le dictateur zaïrois, son successeur n'a pas été en reste. Et en 1996, au moment où ça commencera à aller très mal pour Mobutu, la cellule africaine de l'Élysée encouragera très discrètement l'envoi de mercenaires au Zaïre. En vain, hein. Certainement. Il était déjà trop tard pour sauver le soldat Mobutu. Et puis bientôt, vous le savez, son régime va s'effondrer comme un château de cartes. Mais si le lâchage des Américains a été incontestablement fatal au maréchal Mobutu, un deuxième événement a joué un rôle essentiel dans cette chute. C'est la dramatique crise rwandaise. Et le génocide? Oui. Après ce terrible génocide des Tutsis par les Hutus, les premiers prennent leur revanche. Et l'armée du général Paul Kagame s'empare du pouvoir à Kigali. La conséquence immédiate, c'est que les Hutus fuient le Rwanda par centaines de milliers. D'abord ceux qui ont participé au génocide. En priorité, oui. Ils vont se réfugier de l'autre côté de la frontière, à l'ouest, c'est-à-dire au Congo Kinshasa, qui s'appelle encore le Zaïre. Ils s'installent plus précisément dans deux provinces frontalières, le Nord Kivu et le Sud Kivu, où ils vont vivre dans des camps de réfugiés. Et ça va avoir des conséquences très graves. Mais pourquoi, là? Expliquez-moi. Vous devez d'abord savoir que dans ces deux régions, il existe depuis très longtemps une tension ethnique et nationaliste permanente. Et en effet, au Kivu, tant au nord qu'au sud, des communautés tutsis importantes et qui ne sont pas considérées comme zaïroises. Alors, pas zaïroises, quoi, rwandaises? Oui, oui. Or, dans ces régions, les vrais Zaïrois, si je puis dire, soupçonnent le Rwanda surpeuplé d'avoir des visées expansionnistes et de vouloir un jour ou l'autre se tailler un fief à leur détriment. Ça a d'ailleurs entraîné dans le passé de nombreux conflits locaux. Alors j'imagine, ces Zaïrois là ne voient pas d'un bon œil l'arrivée massive de ces Hutus qui ont fui le Rwanda. Bien entendu, et peu leur importe qu'ils soient Hutus ou Tutsis, pour eux ce sont d'abord des Rwandais. Et donc des envahisseurs. C'est certain. Autre conséquence, ces centaines de milliers de Hutus massés à la frontière rwandaise représentent aussi une menace pour Kigali et le régime du président Kagame, parce qu'il y a parmi eux des miliciens et des militaires responsables du génocide. Et donc, Kigali, j'interprète là, mais peut craindre que ces assassins ne repassent la frontière? Non, et d'autant que dans les camps de réfugiés, ces hommes se sont organisés, font la loi. Et d'ailleurs, certains n'hésiteront pas à lancer des attaques au Rwanda. Donc, Kigali réclame à corps et à cri le démantèlement de ces camps de réfugiés. Et si les Rwandais ne sont pas entendus, ils menacent d'aller faire eux-mêmes le ménage. Oui, c'est-à-dire intervenir en territoire zaïrois. Oui, c'est dans ce terreau explosif que va réapparaître un homme que tout le monde a oublié. Un certain Laurent Désiré Kabila. Un homme oublié. Oui, car autrefois, dans les premières années de l'indépendance, Kabila a eu une petite célébrité. Ah, raconte-moi ça. Un mot auparavant. Il existe dans la biographie de Kabila de nombreuses zones d'ombre. Et lui-même, bien sûr, n'a rien fait pour les dissiper. Parce qu'il avait des choses à cacher, alors. Probablement, mais enfin, passons. Ce jeune Katangais a très vite pris le parti de Lumumba. Et quand ce dernier a été assassiné, il est parti en exil. Puis il est revenu dans son pays, clandestinement. Et il est devenu chef de maquis dans l'est du pays lors de la révolte des lions, les Simbas. Simbas. C'est les lions dans le langage local, c'est ça? Oui. C'est d'ailleurs au maquis qu'il fait la connaissance d'Ernesto Guevara. Et autant vous le dire tout de suite, le Che aura une piètre opinion du jeune maquisard. Voilà, pourquoi là? Kabila est plus intéressé par les filles ou l'alcool que par la lutte armée. Bon, ce n'est pas le seul. Vous le savez sans doute, le Che dégoûté renoncera à exporter la révolution au Congo et il regagnera vite l'Amérique du Sud. Ouais. Et Kabila, alors, qu'est-ce qu'il devient, lui? Il demeure dans le maquis, il résistera aux troupes de Mobutu au moins jusqu'au milieu des années 70. Et après avoir créé un parti révolutionnaire d'inspiration maoïste, il organise autour de lui, dans un secteur montagneux et désert, une sorte de phalanstère, une terre dite libre, où en fait tout le monde est à sa dévotion. Un gourou, quoi. Un tyranno, plutôt. Kabila n'est pas un tendre. Il faut lui obéir si on ne veut pas avoir de sérieux ennuis. Et déjà, perd sans lui l'homme qui règnera avec la férocité qu'on sait sur la République démocratique du Congo. Kabila. Il n'est pas inintéressant de relire ce qu'avait écrit à son propos Che Guevara, qui a été brièvement son camarade de combat au sein de la guérilla congolaise. Je cite cet extrait du journal du Che. le seul homme qui ait d'authentique qualité de dirigeant de masse me semble être Kabila. Mais un homme qui a des qualités de dirigeant ne peut, par ce seul mérite, mener une révolution à bien. Il faut encore qu'il ait le sérieux révolutionnaire, une idéologie qui guide son action, un esprit de sacrifice qui accompagne ses objectifs. Jusqu'à maintenant, Kabila n'a pas fait la preuve qu'il possède quoi que ce soit de ce genre. Il est jeune et il peut changer, mais je tiens à laisser dans un écrit qui verra la lumière dans bien des années le témoignage de mes doutes très forts sur sa capacité à surmonter ses défauts. Bref, il semble bien que Guevara avait vu clair en Kabila dès cette époque. Pardonnez-moi de me répéter, mais je vous l'ai dit, on ne sait pas grand-chose de Kabila. Après le Maquis et cette communauté utopiste, il semble bien qu'il ait renoncé à la lutte politique, enfin au moins temporairement. Alors que fait-il ? Bah, des affaires. Des affaires de quel genre ? Du commerce, à moins qu'on appelle ça du trafic. Kabila achète et vend de l'or, des pierres précieuses, mais aussi des pointes d'ivoire. On lui prête aussi des intérêts dans des établissements un petit peu louches. Mmh. Enfin, ça, je peux pas être affirmatif, car Kabila a toujours refusé de parler de son passé, et rares sont les témoins qui restent. Par contre, ce qui semble plus avéré, c'est que Kabila s'est beaucoup déplacé, dans les pays voisins, mais aussi en Chine. La Chine, attends, dont on m'avait dit qu'il était un fervent admirateur. Hein. Mais il faut souligner que lorsqu'il sera président, sa seule visite d'État sera justement pour la Chine. Enfin, avançons. Il réapparaît donc politiquement, je veux dire, en 1996. Comment alors ? Bah, Kabila l'a toujours nié, mais ce sont les Rwandais qui vont le chercher. À l'époque, l'homme fort du Rwanda, le général Kagame, veut en finir avec les camps de réfugiés Hutus installés de l'autre côté de la frontière avec le Zaïre. Ça, c'est parce qu'il sait très bien que, à l'abri de cette population misérable, les anciens responsables du génocide sont en train de reconstituer une véritable armée. Donc une armée qui pourrait tenter de chasser les Tutsis de Kigali, c'est ça ? Mais en outre, mais Kagame ne peut pas l'avouer comme ça, je suis persuadé qu'il entend profiter de la déliquescence du régime de Mobutu pour annexer tout ou partie de la région du Kivu. Cette région où vivent déjà de nombreux Tutsis. Oui, et aussi pour exploiter ses richesses, car la guerre, ça coûte cher. Seulement si c'est l'armée rwandaise qui intervient directement au Kivu, Kigali risque d'être accusé d'avoir agressé son voisin zaïrois. Par conséquent, il faut habiller un petit peu l'opération. D'où l'idée, justement, de faire appel à l'ancien guerrier Kabila. Je vois. Donc, il ne s'agira plus d'une invasion, mais d'une guerre civile. Et donc d'une affaire interne purement zaïroise. Mais c'est une fiction. Évidemment. Car qui va armer et équiper les combattants ? Le Rwanda. Le Rwanda qui ira même jusqu'à incorporer nombre de ses soldats dans la future armée de Kabila. J'ajoute, mais après tout ce que je vous ai dit précédemment, ça ne vous étonnera pas que les États-Unis ne sont nullement hostiles à ce projet, bien au contraire. Oui, mais est-ce que ça signifie pour autant qu'ils l'ont encouragé ? Bon, certainement. Avant d'agir, Kagame a pris soin de faire une petite visite à Washington et les soldats de Kabila seront payés avec des dollars, bien neufs. Alors les Américains pensent donc déjà qu'ils ont peut-être trouvé en Kabila le successeur de Mobutu ? Oui, un homme qui les laissera ensuite agir à leur guise au Congo, car ils ont des projets pour le pays. Ça mérite une explication. Oh, un petit peu de patience, si vous voulez bien. Oui, mais attendez, quoi qu'il en soit, c'est quand même bizarre, du point de vue des États-Unis, d'aller chercher un ancien guérillero maoïste. Maoïste, Kabila ne l'est plus depuis longtemps, même s'il continue à avoir de l'amitié pour la Chine. Non, non, c'est un commerçant, peut-être un trafiquant. Donc un homme qu'on peut acheter et tenir en laisse. C'est en tout cas ce qu'on pense à Washington et à la CIA. Et alors, Kagame, là, le président rwandais, sait-il, lui, que le vrai dessein des Américains est de trouver un remplaçant à Mobutu ? Sans doute, mais s'en moque. Ce qu'il veut, lui, c'est en finir avec les Hutus de la frontière et s'approprier une partie du territoire zaïrois. Toutefois, il va bien vite déchanter. Enfin, n'allons pas trop vite. Avant de passer à l'offensive, on poursuit l'habillage. Kabila crée un mouvement, la FDL, l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, et s'allie avec quelques autres zaïrois. Oui. Toujours dans le dessin de donner le change ? Oui, bien sûr. Qui alors ? Presque naturellement, Kabila recrute des hommes chez les Tutsis qui vivent au Zaïre. Puis il fait appel à ses vieilles connaissances du temps de la guérilla. Il rassemble également autour de lui des familiers, des gens de son ethnie. Ensuite, et c'est une nouvelle preuve de l'implication américaine, des Congolais exilés aux États-Unis le rejoignent. Et il y a enfin dans son armée de jeunes maquisards qui opèrent sur la frontière ougandaise contre les troupes de Mobutu. Est-ce que ça veut dire que l'Ouganda aussi va soutenir Kabila ? Oui. Oui, à l'époque, Rwanda et Ouganda sont très liés. C'est en Ouganda que Kagame a organisé et entraîné la troupe qui lui a permis de prendre le pouvoir à Kigali. En outre, ce puissant voisin du Zaïre nourrit lui aussi des ambitions territoriales et économiques. Et il a un alibi tout trouvé pour intervenir. la présence de rebelles ougandais sur le sol congolais. Ouais. Compliqué, hein. Enfin, deux questions, quand même, avant d'aller plus loin. Cette armée de Kabila, là, me paraît bien hétéroclite, hein. Puis d'autre part, est-ce que Kabila en est d'emblée le chef ? Hétéroclite, cette armée ? C'est sûr. Mais en face d'elle, elle va rencontrer des soldats aérois démoralisés qui ne pensent qu'à piller, violer et non pas à se battre. Alors la deuxième question, la primauté de Kabila, bon, au départ, il n'est que le porte-parole de l'Alliance. Mais outre le fait qu'il est le plus connu, il ne va pas tarder à s'imposer à ses partenaires, avec l'appui essentiel du Rwandais Kagame. Et quand alors cette armée passe-t-elle à l'action ? En octobre 1996. Et comme prévu, ça commence par l'attaque des camps de réfugiés Hutus. Et malgré l'habillage congolais, personne ne s'y trompe. C'est bien l'armée rwandaise qui est le fer de lance de l'opération. Une opération qui provoque la fuite de dizaines de milliers de réfugiés. Ouais, une deuxième fuite. Oui, avec tous les drames humains que ça entraîne. Et puis des massacres, j'imagine. Il ne pouvait pas en être autrement. Les Rwandais sont entrés au Zaïre pour régler à leur façon le problème Hutu. C'est vrai qu'ils vont être impitoyables et qu'ils vont se livrer à une véritable boucherie. Alors, dans cette affaire là, dramatique, Kabila est complice. Certainement. Vous pouvez pas l'ignorer, même si c'était surtout les soldats rwandais engagés dans les forces de l'Alliance qui étaient le plus impliqués dans ces massacres. Les Rwandais et les Tutsis aérois. Mais Kabila se rattrapera plus tard, si j'ose dire, en se livrant à une véritable chasse aux Tutsis quand son alliance avec le Rwanda tournera court. Bon, d'accord. Et la guerre elle-même? Ouais, étant donné le peu de résistance qu'elle rencontre, les forces de l'Alliance conquièrent assez vite les principales cités du Kivu. Et les Rwandais se payent en procédant à un pillage systématique. Mais ce qui compte, c'est l'émergence progressive de Laurent Désiré Kabila. L'émergence politique? Non, il parade, prononce des discours, s'adresse à la presse. Et de plus en plus, il apparaît comme étant le numéro un de ce mouvement de rébellion. Et la population? Bon, elle subit, comme d'habitude. Mais la jeunesse, elle s'enthousiasme. Et Kabila recrute. Dans un pays ruiné où il n'y a pas de travail, ce n'est guère difficile, car les soldats sont payés, eux. Et derrière, ce sont toujours les Américains qui paient? Non. Donc Kabila, qui est un homme d'affaires, organise la collecte de fonds et crée un impôt de guerre. Ah, mais qui va le payer dans ce... Les industriels, les investisseurs. Et vous avez dit que le pays était ruiné? C'est vrai, mais enfin, il dispose toujours de ressources considérables. Et dès que l'Alliance est bien installée dans le Kivu et que la région est sécurisée, ils sont nombreux à se précipiter et à signer des contrats d'exploitation avec le nouveau pouvoir. Et en vertu du nouveau système d'imposition mis au point par Kabila, il paie d'importantes contributions au trésor de guerre de l'Alliance. Mais ces investisseurs-là, d'où viennent-ils? Beaucoup sont américains. Mais il y a aussi des Suédois, des Australiens, des Sud-Africains, des Israéliens. Autant de spéculateurs qui misaient sur les richesses du sous-sol congolais. Et aussi, enfin, je pense, sur la stabilité future du pays. Oui, oui. De ce point de vue, Kabila inspirait confiance. Alors, je reviens à ce que je disais, l'émergence progressive du leader de l'Alliance. Au départ, il est clair que ce n'est qu'une marionnette dans les mains des Rwandais. Mais bientôt, il s'émancipe. Et à Kigali, ça ne plaît pas. Pourquoi? Parce que... Il se retourne contre les Rwandais? Non, mais il signifie quand même clairement aux dirigeants rwandais qu'il n'est pas question qu'ils annexent purement et simplement le Kivu. Kabila se révèle être un nationaliste fervent. Oui, donc une sorte de nouveau Lumumba. Oui, surtout un homme qui entend que soient respectées les frontières de son pays. Ce pays qui va maintenant conquérir en seulement quelques mois. Et les Américains eux-mêmes vont voir leur projet contrarié par ce nationaliste ombrageux. Revenons un instant sur la responsabilité de Laurent Désiré Kabila dans les massacres des Hutus perpétrés en 1996 et 1997. Malgré le peu d'empressement de la communauté internationale, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a nommé une commission d'enquête. Le rapport qu'elle a rédigé a explicitement accusé Kabila, mais aussi le président rwandais, Paul Kagame, de crimes contre l'humanité. Ainsi, le rapporteur chilien estimait qu'entre 150 000 et 180 000 personnes ont été tuées lors de la prise du pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Et pourtant, ce rapport ne sera pas suivi d'effet. Explication de la correspondante du Monde aux Nations Unies. L'instabilité politique et militaire dans la région des Grands Lacs, la crainte de l'éclatement de la République démocratique du Congo et surtout le sentiment collectif de culpabilité à la suite du génocide de 1994 au Rwanda ont contribué à la décision de la communauté internationale de ne pas harceler M. Kabila dans le domaine des droits de l'homme. À plusieurs reprises, là, vous avez évoqué les projets américains pour le Congo, projets qui qui vont être contrariés par Camilla. Hein. Les Américains se sont toujours beaucoup intéressés au Congo, oui, je l'ai dit. Oui, à cause de ses ressources naturelles. Ouais, faut pas oublier que l'uranium des premières bombes atomiques américaines provenait du Congo. Ah ouais. Et puis avant 1990, il y avait des raisons un peu plus politiques. En tout cas, l'instabilité grandissante du Zaïre, du maréchal Mobutu, inquiétait beaucoup Washington. Et certains stratèges proche de la Maison-Blanche, avait songé que la solution idéale consistait à démembrer ce trop grand pays dont les frontières avaient été dessinées par le colonisateur belge. C'est-à-dire, créer plusieurs petits Congos. Et attribuer certains territoires à des pays voisins, comme le Kivu par exemple, qui serait donné au Rwanda. Mmh. Et remarquez-le bien, c'est ce qui s'est passé ensuite avec l'intervention militaire de tous ses voisins au Congo même. Ça ressemblait à la mise en œuvre du projet américain. Mmh. Oui, un projet qui avait pour finalité d'exploiter au mieux les richesses du pays. Bien entendu. Mmh. Mais si vous voulez bien, on va y revenir. Ouais, ouais, ouais. Mais Kabila, lui, n'était pas de cet avis. Ça lui coûtera très cher. Ça veut dire quoi ? C'est son assassinat ? Oui, ouais, un assassinat qui a été commandité par les dépeceurs. Mais encore une fois, n'allons pas trop vite. Mmh. La marche triomphale commence donc au Kivu en octobre 1996. Puis il s'empare du Katanga, sa province natale, dont il confie le gouvernement à l'un de ses cousins. Et le commandement des forces de sécurité à son fils, Joseph. Puis il va progresser vers Kinshasa. Au mois de mai, Mobutu, très malade... Oui, il va mourir peu après d'un cancer. Hein. Exact. Donc au mois de mai, Mobutu s'enfuit et Kinshasa tombe aux mains de Kabila. 7 mois lui ont suffi pour conquérir le pouvoir. 7 mois. Ouais. Ouais. Et sa victoire suscite un immense espoir chez les Congolais qui viennent de subir une trentaine d'années de dictature. Mais Kabila va très vite décevoir. Ouais, parce qu'il va lui aussi se comporter en dictateur. Oui, contrairement à ce qu'il avait promis, il fait arrêter tous ceux qui s'opposent à lui. Et même s'il met un terme aux manifestations les plus visibles de corruption et de gabegie, il met en place une administration tatillonne qui va paralyser l'économie. Bref, Kabila est un amateur et un piètre dirigeant. Mais il y a plus grave encore. S'il a gagné, c'est grâce au Rwanda et à l'Ouganda, deux pays qui n'ont nullement l'intention d'abandonner la place. Ouais, et ces deux pays sont militairement présents au Congo. Hein, bien sûr. Surtout les Rwandais, dont certains soldats sont intégrés dans les forces armées congolaises et conseillent même directement le président congolais. Très vite, Kabila va s'apercevoir que ses deux alliés sont très encombrés. Ouais, il va tenter de s'en affranchir. C'est normal, non ? Fin juillet 98, le président de la République démocratique du Congo prend une décision lourde de conséquences. Il demande aux troupes rwandaises de quitter le pays. Et il laisse entendre qu'il va annuler certains contrats commerciaux passés avec Kigali. Voilà, bon, dans cette capitale, on pousse des cris d'orfraie et on dénonce forcément l'ingratitude de celui qu'on a quand même puissamment aidé. Hein. Oui, et la réponse du Rwanda est quasi immédiate. Au début du mois d'août, une rébellion éclate au Kivu. Une rébellion suscitée par Kigali. Bien entendu. Et ce sont les anciens alliés de Kabila au sein de l'Alliance, les Tutsis du Kivu, qui sont au cœur de ce mouvement insurrectionnel. Donc c'est clair. D'ailleurs, les Rwandais ne cachent pas qu'ils sont derrière ces troupes rebelles. Et ils ont un bon argument pour cela, toujours le même. La présence permanente au Congo de ces Hutus qui sont responsables du génocide de 1994. Ouais, du moins, les Hutus qui n'ont pas été massacrés en 1996. Oui, mais ce ne sont pas les anciens militaires ou miliciens qui ont été massacrés. La plupart du temps, ce sont des civils. Les autres ont réussi à fuir à temps. Et Kigali exige que ces hommes, qui représentent toujours une menace, leur soient remis. Les Rwandais vont même plus loin. Ils accusent Kabila d'avoir recruté certains d'entre eux dans son armée. C'est vrai, ça ? Franchement, je n'en sais rien. Mais il faut remarquer que l'armée congolaise, au cours de cette nouvelle guerre civile, ne sera pas très tendre à l'égard des Tutsis. C'est un euphémisme. Quoi qu'il en soit, la rébellion, encouragée et même provoquée par le Rwanda, remporte très vite des succès. Et bientôt, elle va contrôler 40% du territoire congolais. Donc, à l'est, hein ? Et au nord. Mmh. Est-ce que l'ancien allié ougandais intervient, lui aussi ? Forcément. L'Ouganda et le Rwanda ne sont pas loin de considérer que l'est du Congo fait partie de leur arrière-pays. Leur hinterland, comme disent les Allemands. Oui, c'est-à-dire un territoire dont ils peuvent exploiter les ressources naturelles. Donc le président ougandais, Museveni, lui aussi participe à la razzia. Mais sagement, comme il sait que la guerre est toujours très coûteuse, il ne va pas engager directement son armée. Ouais, mais enfin, il va soutenir les rebelles. Donc un mouvement en particulier, oui. Le mouvement pour la libération du Congo, dirigé par un homme d'affaires, Jean-Pierre Bemba, qui a rassemblé autour de lui d'anciens officiers de Mobutu. La conséquence immédiate de ces différentes initiatives, c'est un chaos généralisé. On assiste à la floraison de petits partis armés qui sont soutenus soit par le Rwanda, soit par l'Ouganda, et qui souvent luttent les uns contre les autres. Ça ne simplifie pas les choses. Hein. Et une fois encore, ce sont les populations locales qui paient le prix fort. Femmes violées par des soudards qui sont parfois séropositifs, villages pillés, brûlés, réfugiés qui traînent sur les routes ou les pistes, bref, ordinaire d'une guerre civile en Afrique. Mais Comment Kabila peut-il se sortir de ce guépier? En août 1998, il est victime d'une tentative de putsch, mais il en échappe. Et pour contrer les menaces rwandaises et ougandaises, il fait appel à deux autres pays africains, l'Angola et le Zimbabwe. Qui viennent à son secours. Et qui interviennent militairement. C'est en particulier grâce à ces deux nouveaux protecteurs que Kabila réussira in extremis à sauver sa peau et sa capitale, Kinshasa. Mais aussi la province du Kasaï qui fournit au régime l'essentiel de ses ressources grâce à l'exploitation des mines diamantifères. Et au fond, dans le bilan politique médiocre de Kabila, il faut reconnaître que ce fut sa seule action d'éclat. Vous n'exagérez pas un peu? Non, cet appel au secours a surpris tout le monde. Et pas seulement en Afrique. À Washington, par exemple, où l'on pensait bien être débarrassé d'un type aussi incontrôlable, on a été désagréablement pris de court. Mmh. Mais est-ce que l'intervention là, de ces deux nouveaux États africains ne complique pas encore une situation qui est déjà fort complexe, hein? Vous avez raison, oui. Car l'Angola et le Zimbabwe entendent aussi recevoir leur part de gâteau. Ah bon? Et ils vont l'obtenir? Bien entendu. Surtout le Zimbabwe, avec lequel Kabila va signer de très importants contrats commerciaux. Le cas de l'Angola est un petit peu différent. L'intervention de l'armée angolaise avait d'abord pour objectif de lutter contre l'UNITA de Jonas Savimbi, qui sévissait aussi au sud du Congo où il avait trouvé refuge. Oui, ça c'est le mouvement rebelle angolais. Hein. Oui. Ouais. Ouais. Et, compliqué encore. Hein. Bon, et la communauté internationale hein. L'ONU a essayé d'imposer un cessez-le-feu dès le début des hostilités, en vain. Plus sérieusement, un an plus tard, l'Organisation des Nations Unies a réussi à réunir à Lusaka la plupart des belligérants. Un accord a été difficilement conclu. Que prévoyait cet accord? Ben d'abord l'envoi de casques bleus, 3000. Attendez, 3000 pour tout le Congo, c'est peu, non? Et c'est même ridicule à l'échelle d'un pays aussi grand et où la guerre faisait rage un peu partout. Ensuite, il a été décidé que les armées étrangères devaient se retirer du Congo dans un délai maximum de 6 mois. Délai au bout duquel l'autorité de l'État congolais serait rétablie après l'ouverture d'un vaste débat national auquel tous les partis participeraient. Tous les partis, même les rebelles qui avaient pris les armes? Oui, au même titre que le gouvernement de Kinshasa, c'est-à-dire que Kabila était désormais considéré comme un chef de faction à l'égal des autres. Mais il apparaissait dès la signature de cet accord que personne n'en respecterait les termes. Mais essentiellement, pour quelle raison? Bah d'abord, Kabila était affaibli et ne régnait plus que sur une partie du Congo. Ensuite, et c'est la vraie raison, le pays était maintenant divisé en protectorats, régis et exploités par les puissances de la région. Et aucun de ces États n'avait envie de renoncer à la manne financière que leur apportait cette annexion de fer. De fait, ouais. Alors au fond, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, on aboutissait à ce partage du pays qui était envisagé par les États-Unis avant la chute de Mobutu. Hein. Oui, la démonstration était faite que le Congo, trop grand pays, abritant une multitude d'ethnies hostiles les unes aux autres, était ingouvernable. Alors, vous voyez, vous, la main des Américains derrière tout ça? Bon, je vais certainement vous décevoir, mais je ne crois pas. Certes, ils ont encouragé les Rwandais, même les Ougandais, à agir, mais était-il dans leur intérêt d'encourager à la création de micro-États qui risquaient de déstabiliser un peu plus l'Afrique centrale? Franchement, je ne le crois pas. Mais c'est vrai que Kabila, qu'ils avaient contribué à hisser au pouvoir, demeurait pour eux un vrai problème. Kabila qui sera assassiné en janvier 2001 dans des circonstances qui n'ont toujours pas été élucidées. Aussi, Monsieur X m'a proposé de m'entretenir de cette affaire la semaine prochaine. Une affaire qui ne nous est pas tout à fait étrangère à nous Français, car quelques jours avant l'assassinat du président congolais, on a découvert dans la banlieue lyonnaise les cadavres de deux citoyens congolais, deux hommes qui étaient certainement impliqués dans un complot anti-Kabila. Un mystère de plus dans cette sombre histoire. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la lecture d'un livre qui vient de paraître très récemment chez Fayard, intitulé « Les nouveaux prédateurs ». Il a été écrit par une spécialiste de la région, la journaliste belge Colette Breckmann. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site internet franceinter.com, vous pourrez écouter cette émission.